Je me lève, j'ai sommeil, il fait soleil. Boutant pour voir des bouteilles et se faire de l'oseille. Quand le rayon de soleil passe par le trou de la tête de ta dépouille, t'inquiète, les poches fouilles, je te raquette. La drogue j'allaite, un raï sur la jaquette. Je charpente les boulettes, si je suis keuf, je m'arrête. Mon pute bouchante, placard au type, déjà renifleur. Je casse les bras de danseur, je kidnappe, je lui fais appel sur les flics que j'enferme dans le placard. Bouffé par les migrants que je mange des calamars. Tiens, un car en bas, encore billard jusqu'à la part du calabar. T'as ta part du gâteau avec une ligne de star. Satan à ma droite, j'ai des sensibles. J'ai froid en enfer, alcool à 90 au bar. Mes pensées sont tellement perverses, un nerveau, que j'ai postulé pour être bourreau à Guantanamo. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je baise, je fais des bleus. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je tire, tu meurs heureux. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je baise, je fais des bleus. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je tire, tu meurs heureux. Je fais l'autostop, si tu me prends, tu te retrouves dans le corps. Demande de rançon. T'es à poids, je prends d'offre. Je passe à la télé, j'hypnotise les bof. Ma vie, je pèse, je tue et je bois les Smirnoff. Je suis en semi-remorque, le coup de plaisir, sentier de l'amour. Un poil sur le sentier de la mort, je te fais la cour. Je chasse les poulets, à bois, à gyrophare. À peine de phare, je shoot un double tocard. Je fume de la beuh, viens froid dans mon champ. Même si c'est alléchant, je suis armé d'une perceuse et je suis méchant. Atypique, c'est pas qu'une légende, j'encule-moi. J'apporte à mes sons, six coups et du roule ta bagarre. J'emmène le silence, ils ont. J'te fais sonner les cloches, puis sonner ton glas. J't'enfile, file, j'file ton bas. J'aime fourrer la dinde et les bombas. 1, 2, 3, j'ai appris la compta. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je baise, je fais des bleus. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je tire, tu meurs heureux. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. Chacable, quand je baise, je fais des bleus. On m'appelle le diable, c'est mon repas à table. J't'accable, quand je tire, tu meurs heureux.